Contes et légendes de l'heure, L'Isor, la fontaine de Sainte-Catherine. Un tertre recouvre la chambre voûtée où la source est prisonnière. Sur le gazon du coteau, la nymphe pleure sa liberté perdue. Sa voix plaintive se fait entendre derrière les grosses pierres formant l'édicule. Pauvre petite source, l'âme t'a faite captive et tu gémis avant de porter la fraîcheur au vallon. Console-toi, ton emprisonnement sera de courte durée, et le mince filet d'eau échappé de ton urne verra bientôt accourir des groupes de jeunes filles. Elles viendront sur tes bords, demander à Sainte-Catherine de leur donner l'époux désiré, et jetteront dans tes ondes la parure ou les boucles de leurs cheveux. C'est que la dévotion à Sainte-Catherine est grande aux sources de Fouillebrou. L'image de la Vierge chrétienne, placée dans la muraille de la fontaine, est toujours ornée de fleurs cueillies dans la prairie. Cependant, nos modernes Parthénos ne vont pas jusqu'à immoler à la sainte, ainsi que fit Achille aux manes de Patrocle, leur chevelure entière. C'est un attrait de leur charme qu'elles veulent conserver. Elles se contentent, le plus souvent, de jeter dans le ruisseau les épingles qui retiennent les noirs cheveux ou les nattes dorées, en récitant une prière dont j'ai retenu les strophes suivantes. Chère Catherine, chère patronne, nous sommes à vos genoux, à vous qui êtes si bonne, ayez pitié de nous. Oui, nous osons le dire, nous voulons nous marier. C'est vraiment sans rire que nous venons prier. Nous voulons de l'amour, goûter la joie profonde et prendre à notre tour notre place dans le monde. Léon de Wesley, Les chants des vieilles coutumes, 1903. Lu par Sabine, pour Audiocité, sous la licence Art Libre.